Chapitre 3e. Un an avant l'arrivée de Dan O'Sullivan au service du duc de Cumberland, la fameuse plénière Spilletta avait mis bas un poulain par les talons marsques. La jument et les talons descendaient directement de Godolphin et de Bartlett's Childers, sans qu'aucun de leur ascendance eût quitté le haras de Cumberland. Le poulain était né au jour et à l'heure même de la fameuse éclipse de soleil d'avril 1764. À cause de cette coïncidence bizarre, il avait été appelé Eclipse. Quand O'Sullivan fut promu au grade d'entraîneur en chef du haras, il s'enquit de ce jeune cheval, dont il n'avait guère pu s'inquiéter étant simple palefrenier, mais qu'il avait vu bien souvent aux côtés de sa mère Spilletta bondir dans les prairies. Eclipse, alors âgé d'un peu plus de 2 ans, était un produit à l'encolure lourde avec un excès de développement dans les épaules. L'avant-main était très élevée et l'arrière-main fuyante. Le corps était lourd à l'excès dans le système musculaire et le poulain trop membru généralement pour sa taille. Ajouté à ce portrait physique peu avantageux, un caractère réfractaire au premier chef, et l'on pourra se faire une idée du peu d'espoir que le duc de Cumberland devait fonder sur Eclipse, son produit le plus pur. Cependant, O'Sullivan fut frappé de ces lignes peu communes de conformation du jeune cheval. Toutes semblaient vouloir concourir à un même effet, la vitesse. Le charmeur mit donc Eclipse à l'entraînement, mais il dut personnellement s'en occuper. Le poulain ne voulait obéir qu'à un seul homme, Dan O'Sullivan. Au bout de quelques mois de soins assidus, Eclipse battait avec aisance les chevaux de 3, de 4 et même de 5 ans. Jamais on n'avait constaté de vitesse égale à la sienne. Malheureusement, le fils de Spilletta devenait intraitable aussitôt qu'il ne sentait plus l'influence directe du charmeur, et celui-ci absent, aucun jockey ni boy ne pouvait le monter. Sur les autres chevaux, l'influence de l'Irlandais imprimait sa marque pour toujours. Sur Eclipse, elle n'était que passagère et ne durait qu'autant que l'homme était présent. Quoi qu'il en fût, O'Sullivan conseilla au duc de Cumberland de faire courir le fameux poulain à la réunion d'Epsom de 1768. « Mais comment feras-tu, Dan, mon garçon ?» dit le Lord. « Eclipse mettra son jockey à bas dès qu'il ne te verra plus. J'ai mon plan, my Lord. » répondit l'entraîneur. « Vous pouvez aller droit et soutenir Too Big, votre poulain de toute votre fortune. » Le 20 mai, Eclipse arrivait sur le champ de course. Le duc Robert Cumberland avait parié, dans les proportions de 3-1, une somme s'élevant à 4 000 guinées, ce qui était fabuleux pour cette époque. La curiosité était grande parmi les spectateurs, car l'étrangeté de caractère du poulain était connue dans le monde du turf. O'Sullivan amena Eclipse sur la piste, lui parla doucement à l'oreille pendant que le jockey se mettait en selle. L'apparition du cheval produisit des impressions multiples sur la foule des connaisseurs qui se pressaient au poteau. L'avant-train d'Eclipse était pesant. Ses hanches et son garrot offraient un développement extraordinaire. Les naseaux étaient dilatés et plissés, les yeux à fleur de tête, ses jarrets larges, ses flancs calmes et ses sabots arrondis. Les crins, d'une finesse peu commune, étaient tressés en 8 nattes ornées de rubans aux couleurs de Cumberland, dont le jockey portait casaque jaune et toque noire. La distance du prix des nobles et des gentlemen était de 4 000, à parcourir 2 fois en 2 manches. Le signal est donné. Eclipse part, bol. Les foulées sont de plus de 28 pieds. En 4 bonds, il a franchi 101 pieds. Cette immensité d'allure était stupéfiante et le jockey, ramené au poteau en 4 minutes et demie, était presque suffoqué par la vitesse. Les autres chevaux se trouvaient distancés d'un tiers du parcours. L'enthousiasme des turfistes fut indescriptible. Ils portèrent O'Sullivan et le jockey en triomphe. On eut même grand-peine à leur arracher Eclipse qu'ils voulaient placer sur un plancher de boxe et promener solennellement, comme autrefois les guerriers francs élevaient sur un bouclier celui qu'ils voulaient lire roi. Le jury déclara inutile la seconde manche du prix des nobles et des gentlemen. Tous les concurrents d'Eclipse avaient été retirés par leurs propriétaires. La même année, le cheval gagna les courses de Winchester, de Salisbury, de Campton, de Canterbury, de York, de Nottingham et de Newmarket dans le comté de Cambridge. Mais toujours, à chacune de ces réunions, le poulain n'était maniable qu'à la condition d'être conduit sur la piste par Dan O'Sullivan qui parlait à son élève pendant que le jockey se mettait en selle. De Londres à Newmarket, la route royale, The High Road, traverse un pays aussi délicieux. Sous le règne de George III, ce voyage de Newmarket était l'un des plus goûtés par la gentry. Tout le long de la route, les grelots des chevaux qui entraînent les mails et les stagecoaches retentissaient joyeusement, accompagnés par le bruit strident des fouets des postillons. Les Tilburys, les Hackneys, les lourds carrosses vont dans un tourbillon de poussière dorée, longent les villas au parc superbe, les jolis cottages ensevelis sous les fleurs et les prairies vertes comme l'émeraude. Les cavaliers et les amazones aussi se pressent, stationnant ici et là aux nombreuses auberges de la route, les inns de la campagne anglaise. Les courses de chevaux avaient à cette époque un charme, un caractère qu'elles ont vite perdu. Newmarket fut pour Eclipse un triomphe plus grand encore que celui qu'il avait remporté à Epsom. Voici en quels termes la chronique parle de cette victoire du célèbre cheval. Avant que la vue n'en eût embrassé les limites, Eclipse a parcouru l'espace. La vitesse est un vol. Les arbres, les haies, les spectateurs n'ont pas pour lui de solution de continuité. Ce sont des lignes enrubannées dont les couleurs se mêlent, se fondent en teintes diaprées. Eclipse ne court pas, il vole, il arrive. On admire et on est étonné. Voilà quel point de préparation, d'entraînement, le charmeur de chevaux avait amené le poulain de Spilletta. Mais cette supériorité écrasante d'Eclipse ne pouvait tarder à exciter l'envie et la jalousie. Et, exemple mille fois renouvelé de la versatilité humaine, ceux-là même qui avaient porté O'Sullivan en triomphe commencèrent à l'accuser de fraude et de sorcellerie. À sa seconde année de couleur, Eclipse fut en butte à des pièges, à des embûches, à des attentats de toutes sortes. Il était évident qu'on en voulait à la vie du cheval. L'entraîneur fut lui-même enveloppé dans un complot et il ne dut échapper au péril qu'à la dénonciation d'un lad d'écurie. En dépit de tous les complots, l'Irlandais tint bon. Il se contenta de redoubler d'attention et de soins envers son élève et Eclipse courut, sans avoir été défait une seule fois, jusqu'à l'âge de 7 ans accompli. Cédant alors à des pressions et à des réclamations venant de divers côtés, le duc de Cumberland retira son cheval de la vie sportive militante. Eclipse retourna au haras d'Epping et commença sa carrière de reproducteur en 1771. Le cheval avait couru et gagné 84 courses en 4 ans, et Lord Grosvenor en avait offert en vain au duc de Cumberland jusqu'à 280 000 francs. Le charmeur de chevaux Dan O'Sullivan amena encore au poteau un coureur remarquable, mais pas un seul n'atteignit à la renommée d'Eclipse. Du reste, l'entraînement préconisé par l'Irlandais s'était répandu dans presque toutes les écuries de course. Les concurrents venaient de partout en Angleterre, aussi redoutables que les produits de l'écurie de Cumberland. Néanmoins, pas un entraîneur ne pouvait prétendre au degré d'habileté, habileté étrange et mystérieuse, qui était le fait de Dan O'Sullivan. Ces entraîneurs ne surent jamais du reste quelles étaient les paroles mystérieuses que prononçait l'Irlandais, et ne purent que copier ses façons douces, persuasives et sa patience avec la race chevaline. Eclipse mourut au haras du duc de Cumberland en 1789. Il était âgé de 25 ans. Son entraîneur, à qui l'âge commençait à faire sentir ses lourdes étreintes, ne voulut point se consoler de cette mort. Il sollicita sa retraite et retourna avec une fortune laborieusement et honorablement acquise dans son pauvre comté irlandais de Kirlaney, où il vécut jusqu'à un âge fort avancé. La chronique sportive ajoute que Dan O'Sullivan, le charmeur de chevaux, apprit aux hommes de sa famille les paroles mystérieuses qu'il murmurait à ses élèves, et c'est de cette connaissance supposée que vient la grande réputation qu'ont les Irlandais comme entraîneurs et comme palefreniers. C'était le charmeur de chevaux par Alfred de Sauvenière.